écoutez le son de demain, dès aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Bonne vie, chers auditeurs du 89.1. Nous sommes maintenant dans le détour de l'espace E3 2.0 pour vous servir de l'électronique en plein après-midi. C'est quand même juste assez fou, vous allez trouver ça. C'est assez rare, donc restez branchés. Aujourd'hui, plusieurs découvertes. C'était une très bonne semaine pour les sorties d'électronique. On a un album de Wolfgang. Si vous êtes un habitué de C'est fou 89.1, eh bien, j'ai déjà parlé de Wolfgang qui faisait de la musique pour Robo, finalement, dans La Chance au coureur, il y a quelques mois. Eh bien, c'est un nouvel album de Wicked Truth About Loving Men. Donc, excellent album, pochette savoureuse. Donc, vraiment, vraiment intéressant. On va écouter ça dans deux secondes pour débuter. On a une compilation qui s'appelle Manœuvre 1 ou Manœuvre 1, A Collection of Vancouver Electronica, donc des créateurs du BC qui nous font de l'électronique. On a Audio Sleep avec, on va découvrir ça. C'est des albums que j'ai même pas encore écoutés, c'est tout frais, c'est même pas débouché encore. Je vais découvrir ça exactement en même temps que vous. Et un autre album que je vais découvrir s'appelle Gel Sol avec une pochette colorée, ma foi, très printanière. Sur ce, eh bien, on débute avec Wolfgang et la pièce Music Control Mechanism. Tout de suite dans l'espace E3 2.0. We'll be right back. slightly to the left. Thank you. Wow! Que de bonne musique qu'on vient de terminer avec Wolfgang et The Robotic Revelation. Donc, c'était la révélation. L'album de Wolfgang, on peut dire que c'est un très bon album. Je le découvre en même temps que vous. Et puis, ben aujourd'hui, je pense que je vais m'en aller de... J'ai quelques trucs valeurs sûres, là. Mais en gros, ça va être des découvertes. Et puis, je pense qu'on va être content parce que ça semble assez intéressant. Sur ce... On a entendu Wolfgang avec Robotic Revelation. Juste avant, on a eu Gel Sol et la pièce Brontosaur U, et non Brontosaur Huss, tu comprends? Brontosaur U, ouais. Et bon. En première partie, oui, pour débuter ce E3 2.0, eh bien, c'était Wolfgang avec Music Control Mechanism. Ce qui s'en vient dans deux instants, eh bien, c'est Audio Sleep. Mais juste avant, ben, je veux vous parler d'un petit truc qui s'en vient le 5 mai du côté de la musique électronique. Eh bien, c'est Boom, 11e édition. Détrompez-vous, si vous voyez les affiches puis vous voyez Boom avec 2-1 à côté, c'est pas Boom 2, c'est Boom 11. Et oui, dans les raves, c'est quand même rendu là. Il y a 4 salles. Donc, je peux vous faire le line-up assez rapidement. Dans la In the House Room, il y a Martin Villeneuve, Simon Miller, Flavor, Sphinx, Dominique B., Funky Frank et DJ à côté. Dans la salle Tech Psy Trans, il y a Rickham, Seven Way, Neurovirus, votre humble serviteur tectonique, et puis Keycots. Dans la salle Hip Hop, il y a Vibes et notre ami Lynx, ici même de Sifu 89.1. Et dans la VIP Room, eh bien, il y a Patno, Steve, Candela et Hurricane. Donc, pour avoir des informations, le 819-372-2652, ça se passe le 5 mai 2007. Donc, la fête du printemps à Trois-Rivières. C'est en plein ça, hein? Donc, sur ce, on va aller écouter de la musique, hein? Thank you. backwards, perhaps I'll relax. Not me, not likely. You'll see. take a break and find out what in the world is going on. Musique de demain, aujourd'hui, c'est fou 89.1. Toujours dans l'espace E3 2.0, Danny Janvier au micro pour vous servir. On est ensemble jusqu'à 16h et n'oubliez pas, restez là tantôt. À 16h, il y a Louis Rousseau avec Dans le trafic. Et puis 16h30, comme je l'ai si bien dit dans la pub juste avant, eh bien, n'oubliez pas la chronique La Barrique avec Xavier Beaupré. Toujours assez intéressant. Allez visiter ça, La Barrique, ça vaut la peine. Si vous êtes un amateur, vous allez triper. Si vous n'êtes pas encore amateur, peut-être que le deviendrez-vous. Hein? C'est ça qu'on se dit. Oh, ce qu'on vient d'entendre dans le deuxième bloc, eh bien, c'était pour finir le deuxième bloc, eh bien, on a eu Gèle Sol. C'est vraiment mon coup de cœur aujourd'hui. Avec la pièce On a Clear Night, You Can See the Answer. Juste avant ça, on a eu Fontaine, la petite pièce avec de la voix que j'ai pas vraiment appréciée. Ben, j'aimais bien le beat. Par contre, la voix m'a un petit peu dérangé. Ça faisait un petit peu quétaine. À mon avis, ben, j'ai pas voulu vous la couper d'un coup qu'il y en a qui aiment ça à la maison ou dans l'auto ou quoi, où que vous soyez. Et pour débuter ce bloc, c'était Audio Sleep avec A Million Suns. Tantôt, même qu'on va débuter avec peut-être une autre petite pièce de Audio Sleep, parce que je suis dans mon après-midi découverte. Parlant de découverte, eh bien, tantôt, je vous ai parlé de Boom qui a lieu le 5 mai. Maintenant, je vous parle d'un événement pour cet été. Un événement à ne pas manquer dans le sens que c'est un genre de camping électronique, un gros happening de musique pendant 3 jours. Et puis, c'est ça, ça se passe le 6, 7 et 8 juillet. Pour avoir des informations, eh bien, c'est Mofarlo Tribe, M-O-F-A-R-L-O-T-R-I-B-E, Mofarlo Tribe. Donc, la tribu Mofarlo.com, tribemofarlo.com. Il y a DJ Tikal qui va être live, il y a DJ Psybara qui nous vient d'Australie, Ecoplex de Montréal, DJ Psychronic d'Ottawa, Azriel de Québec qui va être en live, Bio Bazar, donc moi-même en live, Apoudrian live Acoustic Trance avec 2 didgeridoo et 1 drum kit sur le stage. Donc de la grosse trance là, mais avec un band. Tu sais, des fois les gens disent oh, ils font juste pousser des boutons, blablabla. Non, non, là ça va être de la grosse trance direct live. Excellent. Et il va y avoir comme VJ Videolicious de New York sur 2 écrans. Et il va en venir, inquiétez-vous pas. Donc, pour avoir des informations, mofarlotribe.com. Pour ce qui est des charts cette semaine, eh bien, les cinq premières positions du top vente sur SciShop.com. Eh bien, en 5e position, on a l'excellent projet Infected Mushroom avec Vicious Delicious. En 4e position, on a Alien Project avec Activation Portal. En 3e position, Vibrasphère avec Archipelago Remix. Vibrasphère qui était supposé d'être là à Eclipse cette année, mais qui est pas là. Et Eclipse, on n'en parlera pas trop. En 2e position, il y a la compilation Electro Inside. Et en 1re position, des top ventes sur PsyShop, eh bien, la compilation On the Deck with DJ Zombie de Plusquam Record. En gros, c'est ça qui avait, ça a de l'air, hein? Ben, c'est ça. Alors, on va continuer avec Audio Sleep, comme je vous ai promis tantôt. thriving forests sheltered plants and animals. People prospered from the land, and from the plains came forth fantastical cities. At first there was happiness and more wealth than ever, but soon darker times would follow. The children aged within the ever-rising walls until they could no longer see the fields or forest that grew beyond. The people began to forget from where they once came, until slowly and surely the legend faded away. As well as a suicide bomber, according to witnesses, suicide bomber wanted to back a woman. The biggest one, which is really one look we're looking after, this as a strategic suicide bomber attack or terror attack, was on our Passover, on our sacred night, what we call the Passover massacres. Eons later, the people grew tired of the grey concrete masses that surrounded them, and once more they decided to go forth into the world they once knew. They travelled the land and rediscovered its lost legends by exploring its forgotten face. But the world had changed. Thank you.